Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 4, le Deuxième Empire. Le fascicule allemand numéro 160, Le Miroir de la Peur, écrit par Kurt Marr en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 70, Le Miroir de Moltkex, paru chez Fleuve Noir en 1986. Le Carol D, une nef de la Défense Galactique, est envoyé sur Zanmalon afin de ramener la mystérieuse substance sécrétée par les écrits d'Acer et baptisée Moltkex. Quand le vaisseau arrive en décembre 2326, la planète est entièrement recouverte d'une couche vitrifiée et irisée. À la surprise de l'équipage, il détecte des émissions d'une matière organique. Une chaloupe se pose à la surface, mais les terriens sont tout de suite confrontés à des écrits de serre. Ils doivent bientôt faire face à un anédisère et sont contraints d'évacuer leur camp. Plusieurs hommes ont déjà trouvé la mort. Joël Carso, le chef de l'expédition, attire l'anédisère grâce à une bombe à fusion. L'attention de l'animal étant entièrement tournée vers cette source de nourriture, les terriens peuvent se déplacer librement. Ils sont bientôt témoins de la naissance d'un anélicère, lequel est issu de la couche de Moltkex. Un des hommes, Eric Jorgens, se sacrifie pour le tuer en lui faisant absorber une bombe à combustion. Choqué par la mort de son frère jumeau, tué par les écrits de serre, il avait jusque-là pris son identité. Plus tard, alors qu'il collecte des morceaux de Moltkex, des vaisseaux non identifiés sont repérés. Ceux-ci se posent et entreprennent la collecte du Moltkex, le détachant de la surface et l'embarquant. Un vacarme énorme se répand sur la planète, issu de la caverne où l'étrange machine avait été découverte. Joël Carso parvient à la détruire. Lui et Barbara Spencer, les deux seuls survivants de l'expédition, sont récupérés par le Carol D. Le fascicule allemand numéro 161, 4 de l'OMU, écrit par William Volz en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 71, Rébellion sur Euja, paru chez Fleuve Noir en 1986. Quatre agents de l'OMU, sous les ordres du capitaine Brent Fiergolt, sont envoyés sur la planète Euja en décembre 2326 afin d'observer un anélicère. D'après Nathan, ceux-ci possèdent une certaine intelligence. Les quatre hommes sont débarqués avec un sous-marin qu'il laisse au large, tandis qu'il gagne la côte à la nage. Là, il tombe sur l'anélicère. Celui-ci est en fait très intelligent, mais sa race préfère mourir plutôt que de révéler son intelligence. Depuis toujours, ils dépendent des bienveillants qui assurent leur transport. L'anélicère, pourtant, ressent un sentiment de révolte envers eux. Une situation particulière s'instaure entre l'anniversaire et les quatre hommes, chacun ignorant l'intelligence de l'autre. La situation évolue quand les hommes sortent leur équipement et que l'anniversaire sauve Brent Frigolt, attaqué par un monstre marin. Comprenant que son secret est dévoilé, le monstre cherche à tuer les terriens, mais en vain. C'est alors qu'un vaisseau de bienveillants, recouvert d'une couche protectrice de Molkex, attiré par les hyperimpulsions émises par l'anélissaire, se pose. Il est là pour récupérer le monstre, mais celui-ci tue les bienveillants qui sont sortis. Les quatre agents de l'OMU s'introduisent dans le vaisseau, qui décolle aussitôt sous l'effet du pilote automatique. Quand ils cherchent à accéder au poste central, ils découvrent, horrifiés, que l'anélissaire s'y trouve. Le fascicule allemand numéro 162, Le pacte avec la mort, écrit par William Woltz en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 71, Rébellion sur Eugène, paru chez Fleuve Noir en 1986. L'Éric Manelu, la nouvelle nef amirale de l'Empire, arrive sur Eugène. Un enregistrement laissé par Brent Frigolt leur permet de savoir que les quatre agents sont partis à bord du nef de Molkex. Les agents de l'OMU établissent le contact avec l'anélissaire au moyen du transformateur de symboles mis au point du temps de la lutte contre les Bioposis. Le monstre a besoin des humains pour piloter le navire, ne disposant pas d'organes adéquats. En échange, il ne les tuera que plus tard. Les terriens entreprennent de reprendre le contrôle du vaisseau, mais ils doivent affronter les robots du bord. Un système de sécurité se met en route, répandant une forte onde de chaleur. Le générateur de chaleur est détruit et les passagers doivent admettre qu'ils ne pourront jamais reprendre le contrôle du navire. Le capitaine Frigolt obtient de l'anélissaire qu'un appel de détresse soit émis à destination des unités terriennes, mais la créature décide de tuer les quatre hommes dès que les secours arriveront. Les convertisseurs de la nef ayant été mis hors d'usage, un retombe dans l'espace normal, où elle est rejointe par l'Éric Manoli et une escadre terrienne. Frigolt annonce à l'anélissaire que, de toute façon, il a laissé un message prévenant de l'intelligence de l'anélissaire. Celui-ci réalise qu'il a trahi sa race et, déprimé, renonce à toute violence. Une grande flotte est alors détectée à proximité. Le fascicule allemand numéro 163, Le Deuxième Empire, écrit par Clark Dalton en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 72, La Métamorphose du Molkex, paru chez Fleuve Noir en 1986. L'anélissaire, avec lequel les terriens ont établi le contact, est baptisé Petit Pierre. Il est transféré de la nef de Molkex capturée sur l'Éric Manoli. La barge B-35 part pour la Terre en emportant le vaisseau, tandis qu'une opération est organisée pour en apprendre plus sur le mystérieux bienveillant. La barge a des problèmes durant le vol, la couche de Molkex du vaisseau interférant avec la propulsion linéaire. Le Molkex commence à se dissoudre avant de disparaître totalement. La frégate Amarilla part pour la flotte adverse, composée de 3000 unités, emportant à bord les mutants Rashtubai et l'Émir. Les deux mutants se téléportent, mais la couche de Molkex interfère avec le sceau. Ils sont réduits à la taille de molécules et se retrouvent prisonniers du Molkex. Quand une nef composite ouvre le feu sur le vaisseau, ils sont emportés par un flux de quantum lumineux. Il se retrouve brièvement sur une planète avant d'être de nouveau projeté dans l'infini à cause d'une nova. Il se retrouve ensuite à bord d'une nef fusiforme avec uniquement des robots à bord. Elle provient d'une puissante civilisation de robots au centre de la galaxie. De tels vaisseaux ont déjà été rencontrés par le passé. Ils sont finalement retrouvés par la Marilla, qui les ramène auprès de la flotte. Le fascicule allemand numéro 164, sous l'emprise de la planète géante, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 72, La métamorphose du Moltex, paru chez Fleuve Noir en 1986. En août 2326, un explorateur arrive sur Majestas afin d'amener du matériel pour les scientifiques. Le commandant du navire a un message pour le scientifique Till Leyden. Celui-ci est nommé responsable du groupe de recherche. Leyden s'intéresse au planétarium des grands anciens, plus particulièrement là où aucune étoile n'apparaît. D'étranges phénomènes se produisent sur la planète géante Hercule, dont le centre de gravité se déplace. Pour Till Leyden, une deuxième planète se déplace à l'intérieur d'Hercule. Il doit toutefois faire avec un collègue, Sacha Popoulos, qui a une réputation d'intrigant et de carriériste. Le 4 août, les machines de la montagne chantante deviennent folles et les sondes envoyées sur Hercule ne répondent soudain plus. Le lendemain, Leyden apprend qu'une puissante onde de choc gravitationnel émanant des Halles a traversé la galaxie. Il s'avère qu'Hercule a perdu de sa masse. Plusieurs séismes se produisent et la situation devient difficile sur Majestas. Seule la montagne chantante s'en sort indemne. Till Leyden se voit contraint de paralyser Sacha Popoulos, surpris à fouiller dans ses papiers. Il étudie ensuite ses dossiers. Popoulos a établi que les 17 lunes vont s'effondrer sur Hercule dans 5 jours, bien qu'il n'en ait soufflé mot à personne. Dans le planétarium, il devient évident que les grands anciens ont intentionnellement omis cet amas stellaire. Une statue commence à émettre des hyperimpulsions radio. Hercule rétrécit comme si quelque chose dévore la planète de l'intérieur. Le message émis par la statue peut être décrypté grâce à un transformateur de symboles et, le 3 janvier 2327, les Terriens apprennent d'incroyables vérités. Il y a un peu moins d'1,2 million d'années, la galaxie fut menacée par une entité que les grands anciens appelaient l'existence supra-hétérodynamique. Elle transformait la matière normale en hyper-énergie pour s'en nourrir. Cette chose dévora ainsi certains secteurs de la Voie lactée correspondant aux trous remarqués dans le planétarium. Pour s'en débarrasser, les grands anciens créèrent une zone de surcharge. L'entité, le supra-être, se gava tant qu'il se transforma en un champ de tension refermé sur lui-même. Elle se stabilisa en masse et devint la planète Hercule. Sa structure se compose de Moltex, lequel correspond à l'existence sous sa forme passive. Les anélicères sont issus du même Moltex, mais qui a suivi une évolution différente. L'onde de choc gravitationnel émanant des Halles a réveillé le supra-être, qui menace de ravager de nouveau la galaxie. Tout le système menaçant de s'effondrer, Till Leyden envoie un appel de détresse à Perry Rodden. Les navires de Moltex des bienveillants se trouvant dans le secteur explosent. Petit Pierre demande à être amené dans un navire robot pour ne mettre la vie de personne en danger. La nef explose, mais l'anélicère s'en sort indemne. Une flotte terrienne fait éruption dans le système et fait usage de son armement pour projeter Hercule dans l'hyperespace. L'opération réussit avec le déchaînement de force. Le supra-être n'aura pas eu le temps de se réveiller complètement. fascicule allemand numéro 165, vaisseau de contact Terrania, écrit par Kurt Brand en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 73, Le labyrinthe des Halles, paru chez Fleuve Noir en 1987. Grâce aux indications fournies par Petit Pierre, les Terriens déterminent la position de la planète d'origine des années des Serres. Celle-ci est baptisée Sépulcre, vu qu'elle pourrait constituer le tombeau pour Petit Pierre, lequel a trahi le grand secret de sa race, leur intelligence. La frégate Terrania part avec l'Anélissaire à bord, ainsi que le scientifique Till Liden. En route, elle est prise en chasse par 8 nefs de Molkex, mais elle réussit à les perdre. La frégate arrive finalement dans le système méconnu du planétarium des Grands Anciens. L'étoile est baptisée Soleil de Leyden. Sépulcre est une planète du type de la Terre, bien qu'elle soit en fait composée de Molkex. Il existe environ 10 000 anélissaires sur la planète. Le Terrania se pose. Petit Pierre sort, mais il est assailli par une vague de douleur, les autres anélissaires le prenant pour cible. Till Liden demande à parler au porte-parole des anélissaires. Ouf! Un navire de Molkex est alors signalé dans le système, mais grâce à leur faculté, les anélissaires le projettent dans le soleil. Les Terriens apprennent que la planète est née des débris du supraète et a été captée par un petit soleil jaune. Le Molkex a ensuite suivi une évolution différente. 4000 ans plus tôt, les bienveillants ont découvert Sépulcre et compris tout de suite les extraordinaires propriétés du Molkex. Ils proposèrent de conduire des individus sur des planètes isolées pour qu'ils se reproduisent. Ils allaient ensuite chercher les jeunes anélissaires et les ramener sur Sépulcre, exigeant en échange 50% du Molkex. Till Liden propose une alliance, arguant que les bienveillants empêchent les anélissaires de se multiplier librement et exigent trop de Molkex. Les anélissaires se montrent finalement d'accord. Le fascicule allemand numéro 166, dans le labyrinthe des Halles, écrit par Kurt Marr en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 73, Le labyrinthe des Halles, paru chez Fleuve Noir en 1987. Une équipe de scientifiques est envoyée sur la planète des Halles pour étudier le mystérieux labyrinthe sous Malkino, la capitale de l'Empire des Saloniens. Ils sont brusquement confrontés à des inconnus qui n'hésitent pas à tuer. En étudiant les images d'une caméra fixée sur le casque de l'une des victimes, ils ont un aperçu du physique des étrangers. Ils mesurent près de 2 mètres, avec une tête en forme de soupière. Les Terriens sont persuadés qu'il s'agit des bienveillants. Terriens et bienveillants se combattent dans le labyrinthe, combat rendu difficile par le fait que les étrangers possèdent des spatiandres en Molkex. 3 des bienveillants peuvent être capturés. Comme leur peau est recouverte d'un fin duvet bleu, ils sont baptisés « bleus ». Un SOS est émis et transmis à Perry Rodden. Alors que 2 flottes de bleus s'affrontent entre elles, un destroyer terrien parvient à installer un transmetteur sur la planète. Malgré les attaques incessantes des bleus, tout le personnel à la surface réussit à gagner les Rick Monolith. Les terriens apprennent que les bleus, sur les Halles, sont du peuple des Apazos. Leurs ancêtres, pour échapper à l'hégémonie du peuple des Gathasiens, installèrent des œufs sur plusieurs planètes, avec une machine pour déclencher l'éclosion. C'est l'onde de choc provoquée par la destruction de l'activateur cellulaire qui a déclenché l'apparition simultanée des acridocères sur de nombreuses planètes. Le fascicule allemand numéro 167, Espion de la Terre, écrit par Kurt Marr en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 74, Le piège de glace, paru chez Fleuve Noir en 1987. Cody, le bleu capturé, ne peut être sauvé malgré une opération. La défense solaire décide d'envoyer un vaisseau pour installer une base dans la zone d'influence des bleus. Tori Dronner, commandant du Copenhague, est choisi pour cette mission. Son équipe est dotée de projecteurs hypnomécaniques, leur donnant l'apparence de bleu. Le Copenhague pénètre dans le système de PAL, où se trouve la planète Apas, un des mondes principaux des bleus. Après avoir détourné l'attention d'un navire bleu, en faisant exploser une bombe nucléaire à distance, il se pose sur Konla, la sixième planète du système. Il se cache dans une cavité, une illusion simulant le sol du désert. Le 4 mars 2327, une chaloupe se rend sur Apas avec, à bord, Tori Dronner, Felmer Lloyd, Taco Kakuta et O'Kali Roy, le deuxième officier du Copenhague. Après avoir détruit une station de détection, elle se pose à l'écart de toute habitation. Hypothéi, commissaire des 18 sécurités sur Apas, est informé de la destruction de la station, puis il reçoit la visite d'Iud Tir-Ij, un bleu gathasien, responsable de la police secrète. Pour lui, la destruction est due à un sabotage. Il somme Hypothéi de résoudre le problème au plus vite. Dès qu'il est parti, Hypothéi aperçoit un homme près de la fenêtre, bien qu'il ne l'ait pas vu entrer. Taco Kakuta, sous la protection du projecteur hypnomécanique, se fait passer pour un membre de la Résistance afin d'obtenir la position des stations de guidage des astronefs, mais il se trahit en tournant la tête, geste inconnu des Bleus. Les Terriens se sont installés dans un petit appartement où ils reçoivent la visite de la police. Ils sont tous arrêtés et incarcérés. Le Bleu, Urut Hirp, a été témoin de l'atterrissage du Copenhague sur Konla et il avertit ses responsables. Mais celui-ci envoie une escadre détruire le vaisseau terrien au mépris de sa vie. Le Bleu avertit les Terriens et le Copenhague décolle en catastrophe, emportant Urut Hirp avec lui. Iud Tir-Ij prend contact avec les Terriens. Il a compris le principe du projecteur hypnomécanique. Les prisonniers découvrent qu'ils se trouvent, en fait, à l'intérieur d'une station de guidage. Ils parviennent à s'évader, prenant Iud Tir-Ij en otage. Alors qu'ils sont parvenus à s'emparer des données recherchées, un vaisseau gathasien se pose à proximité. Des colonnes de police approchent aussi. Taco Kakuta parvient à récupérer la chaloupe avec laquelle ils sont venus sur Apas et les Terriens regagnent de Copenhague. L'opération est un plein succès. Ils ramènent 6 prisonniers et la position galactique du monde principal des Bleus, Gathas. Le fascicule allemand numéro 168, Le piège de glace, écrit par William Woltz en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 74, Le piège de glace, paru chez Fleuve Noir en 1987. Grâce aux informations obtenues par le colonel Tori Dronner sur Apas, la position de Gathas, la planète principale des Bleus, est maintenant connue. Une opération extrêmement risquée est lancée. Le cuirassé Tristan doit pénétrer dans le système de Werth et se cacher, tandis qu'une liaison par transmetteur sera établie avec la station spatiale SSO-1. Une flotte de 3000 navires doit engager le combat dans un système voisin pour détourner l'attention des Bleus. Tandis que l'attaque se produit, le Tristan pénètre dans le système de Werth et s'enfuit sous la glace de la planète Werth 14. Des cavernes sont creusées pour préparer l'installation de la future base. C'est une opération délicate, nécessitant un réchauffement constant de la glace. Des hommes sont ainsi tués lors d'un arrêt du réchauffement suite à une négligence. Le commandant de l'un des navires des Bleus, le Clerc, éprouve des soupçons sur l'attaque des Terriens dans un système sans intérêt. Il revient dans le système de Werth et ses appareils de détection réagissent à des ébranlements, bien qu'aucun vaisseau ne soit en vue. C'est l'effet des premières liaisons par transmetteur entre le Tristan et la SSO-1. Du matériel et des hommes, dont Melbar Kazam, ont été envoyés. Les Bleus s'intéressent à la 14e planète. Les Bleus attaquent Werth 14 et les Terriens commencent à évacuer hommes et matériel. Les cavernes de glace s'effondrent, coupant toute retraite à une cinquantaine d'hommes. Ils doivent affronter les Bleus, lesquels sont quasi invulnérables grâce à leurs spacandres recouverts de Molkex. Tous sont capturés, un par un, à l'exception du lieutenant Dulk McThomas. Ce dernier parvient à informer la station SSO-1 que 48 Terriens ont été faits prisonniers, mais ils trouvent la mort quand la dernière caverne de glace s'effondre. Le fascicule allemand numéro 169, Les petits hommes de Siga, écrit par Kohachir en 1964, fut adapté dans le volume français numéro 75, Les sauveteurs Sigan, paru chez Fleuve Noir en 1988. Le 10 juillet 2327 commence une opération destinée à libérer les 48 Terriens prisonniers des Bleus. L'équipage de vaisseaux bleus capturés est hypnotisé par les fascinateurs de la milice des mutants. Un astronef Sigan, le Louvino, est placé à bord. Limi Danger, le spécialiste de l'OMU, est le chef de l'opération. Le cargo bleu apparaît dans le système de Werth et, comme prévu, il est pris en chasse et abattu par les nefs gatasiennes. Le Louvino, se comportant comme un vulgaire morceau de ferraille, tombe au fond de l'océan. Nimi Danger entreprend bientôt de partir en reconnaissance, ayant pris l'apparence d'un bébé gatasien. Il prend contact avec Melbar Kazam au moyen d'un émetteur caché. Des 48 Terriens prisonniers, seuls 5 sont encore en vie, les autres ont trouvé la mort lors des interrogatoires. Leur communication est interrompue car des Bleus ont repéré Nimi Danger. Malgré la très forte surpopulation qui frappe Gatas, ils portent un immense intérêt à la santé de ce bébé, lequel leur paraît malade. Nimi Danger est emmené dans une clinique pour enfants, dont il s'échappe après avoir détruit le faux bébé. Les 5 prisonniers sont amenés dans une île où se trouve la 19e sécurité, la police secrète gatasienne. Heureusement, les Sigans passent bientôt à l'action et les aident à s'évader. Les 5 Terriens sont pourvus de tenues de plongée et le Louvino, transformé en sous-marin, les amène jusqu'à sa cachette. Une explosion nucléaire simule leur mort. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 4, des fascicules 160 à 169 des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Van Rue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike, est une production 2015 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention, à bientôt.